T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff, Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Okay, let's see. Une heure au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Et oui, Planète Indie, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Pierre avec vous pour l'épisode numéro 412 de votre émission mensuelle de découverte musicale, le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et puis comme vous le savez peut-être, on est aussi un peu plus large que branché uniquement en musique, puisqu'on vous fait part de toutes les manifestations, tous les événements culturels qui sont de qualité, qui se déroulent ici dans la région. Donc au cours de cette émission, 1h30 de musique, mais pas seulement, puisqu'on aura nos rubriques habituelles, notamment la critique BD. Et puis on ira aussi faire un petit tour sur l'album Powerplay de ce mois-ci. Un artiste qu'on a déjà écouté plusieurs fois dans cette émission au cours des émissions passées. Et aujourd'hui, il est mis à l'honneur. Et puis eh bien, on ira aussi voir la programmation des salles de concerts et de spectacles dans la région. C'est une émission de rentrée. Oui, les vacances sont malheureusement terminées. J'espère que vous avez passé un été magnifique. En tout cas, la météo était plus ou moins là, on va dire cette année, comme l'an passé. Que vous avez passé de bonnes vacances. Et puis, si vous avez la chance de les prendre seulement maintenant, bonnes vacances. Vous pouvez nous écouter peut-être à l'aéroport, qui sait, sur le chemin, en voiture, sur le chemin. Pas dans les embouteillages, parce que j'imagine qu'à cette époque-ci de l'année, il y en a beaucoup moins. Et puis, si vous êtes chez vous en train de siroter un bon verre ou en faisant quoi que ce soit d'autre, eh bien, passez une bonne après-midi avec nous. On commence tout de suite avec le groupe Swamp Candy et le morceau Sack of Bones. Et avant cela, le groupe See the Sign avec une reprise du morceau des Mamas and Papas, California Dreaming. C'est Planète Indie, nous sommes ensemble jusque 18h30 comme chaque premier samedi du mois. All the knees are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm there if I was in LA. Such a winter's day, yeah. I'm such a winter's day, yeah. Dropped into a church, happens along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. All the leaves are brown and the sky is Cliff. You're my favorite sack of bones. You're my favorite sack of bones. I accept the fate. Yes, I'm on my knees. And I'll remain unsung. You're my favorite sack of bones. You're my favorite sack of bones. Oh, oh, you're my favorite. You're my favorite. You're my favorite sack of bones. Sure, there's a bell, but it puts me to that test. Begin to fade. Oh, I thought I had it. Yes, I thought I had it. You're my favorite sack of bones. You're my favorite sack of bones. Oh, I could never leave you. I could never leave you. I could never leave you. Got the best of me. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa petite amie, elle est très maigre, hein, puisqu'il l'appelle Sack of Bones. You're my favorite Sack of Bones. C'était le groupe Swamp Candy. J'espère que vous appréciez la programmation musicale de ce début d'émission. Et puis je vous signale aussi que nous sommes présents sur Facebook. Nous avons un groupe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pourrez y discuter notamment avec pas mal des artistes qu'on entend dans cette émission. Et vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous arriverez chez nous. Et puis nous avons aussi un site internet où vous pouvez retrouver notamment les podcasts des émissions, les playlists, pas mal de choses utiles. Si vous êtes aussi un artiste et que vous voulez nous envoyer de la musique, vous retrouverez tous les moyens qui sont à votre disposition pour ce faire. Voilà, et l'adresse, je vous la donne, c'est www.ilovemusic.ga. www.ilovemusic.ga. On poursuit en musique, si vous le voulez bien, avec le nouveau single du groupe Blue Eyed Soul Decay. Ça s'appelle Something Better. Et puis après, on écoutera le groupe Fire It Sirius et le morceau Hey Gang. Tout cela juste avant de retourner sur notre album Power... Enfin, de découvrir notre album Powerplay d'aujourd'hui. Hi, this is Michael from Socionic and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Matt from the band Yuka and you are listening to Planet Indie. Hi, this is Davis from Savage Peace and you're listening to Planet Indie. She feels something new whenever she's near him. Reaching out, it takes her by surprise. He sees right through and he still amazes her. Once on air, she leaves with no goodbye. Something better to give. Voilà, c'était assez mouvementé. C'était le groupe Fire is Cyrus. Bah oui, on a dégainé pas les pistolets, les guitares cette fois-ci, avec le morceau Hey Gang. 17h19 minutes, eh bien, il est l'heure pour nous de passer à la découverte de notre album Powerplay. C'est un artiste dont je vous avais déjà parlé au cours des émissions précédentes. Il s'appelle David Hurl. Alors, c'est son premier album, un album qui s'intitule Garden of Edendale. C'est une collection puissante et tendre de chansons qui emmène en fait l'auditeur dans un road trip à travers eh bien, la vie d'un homme, à savoir la vie de David lui-même. David a grandi eh bien, dans les montagnes de la Californie du Sud, baigné de soleil, mais il a grandi de façon étonnante eh bien, entouré par la musique country. En effet, son papa, c'était un immigrant allemand, a cofondé le label de musique indépendant CMH Records. Il a fait cela eh bien, dans le garage familial. À l'âge de 9 ans, l'un des rois de la country music à l'époque, Roy Acuff, eh bien, il a même invité David sur scène avec lui au Grand Ole Opry. C'est un peu la grand-messe eh bien, de la musique country, eh bien, vous vous en doutez, devant une salle qui était comble. Ça se passait dans les années 70 et c'est aussi l'époque où David Hurl a entendu David Bowie à la radio, et c'est à ce moment-là que sa musique a changé. Il a commencé eh bien, à écouter Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Van Halen ou Frank Zappa, et ça l'a incité eh bien, à prendre lui-même la guitare. Sa première guitare, c'était une Fender Stratocaster. Il avait à peu près l'âge de 13 ans et il n'a pas arrêté depuis jusqu'à eh bien, qu'un événement dans sa vie le fasse quelque peu s'arrêter, puisque son père est décédé de manière subite. Donc il a dû mettre quelque peu de côté sa passion pour la musique et pour jouer de la musique, puisqu'il avait l'âge de 24 ans. Et c'est à cet âge-là eh bien, qu'il a repris le business familial qui consistait eh bien, à gérer ce label indépendant CMH, et cela a duré pendant 27 ans. Première partie donc de la vie, de la découverte de David Hurl. On y reviendra un peu plus longuement tout à l'heure. Avant cela, eh bien, nous allons écouter un premier extrait de son album. L'album s'intitule, je pense que je vous l'ai déjà dit, Garden of Edendale. Et le premier extrait qu'on écoute aujourd'hui s'intitule Play It Like the Record. C'est notre Power Play aujourd'hui dans Planet Indie. Power Play. Power Play. The record, I want to hear you play it like the record. Love it when you play it like the record. I need you to play it like the record. Here I am at your big show. Now I grew up with your records, you know. Play me that guitar solo note for note like the record, yeah. Spun your album 1,000 times. Made a recording of it in my mind. So tonight would you be so kind? Would you play it like the record, yeah. Play it like the record. I wanna hear you play it like the record. Love it when you play it like the record. I need you to play it like the record. I like the rhythm of the breakbeat drum. I like the 9 on the G minor strum. I wanna hear it like it was sung on your record, yeah. If you don't want my objection, take my advice and direction. Don't you change what's pure perfection. Play it like the record, yeah. Play it like the record. I wanna hear you play it like the record. Love it when you play it like the record. I need you to play it like the record. Began to dream at an early age that it was me playing on the stage, playing your songs, learn them all by ear. Oh, tonight I need to hear. We'll be right back. like the record. I wanna hear you play it like the record. Love it when you play it like the record. I need you to play it like the record. Play it like the record. I wanna hear you play it like the record. Love it when you play it like the record. I need you to play it like the record. Voilà, Play It Like The Records par David Hurl, c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Si vous nous êtes fidèles, eh bien vous savez qu'on découvrira trois morceaux de son album au cours de cette émission. Et puis, si vous êtes un nouvel auditeur, eh bien vous venez de le savoir. Voilà, restez avec nous jusqu'à 18h30 et vous aurez encore l'occasion d'écouter deux autres extraits de ce très bon album. Pour l'heure, on poursuit en musique avec... on reste aux États-Unis, mais on passe de la côte ouest à la côte est. On va du côté de Boston avec un extrait du tout nouvel album de notre ami de Robert Butchin. L'album s'intitule The Breakdown Lane et nous on écoute le morceau intitulé Frame Shifted. Hi, I'm Robert Bashinsky from Rigel. You're listening to Planet Indie, the leading European independent radio show. Alors ça, c'est les aléas du direct, ce n'est pas le bon morceau. Je vous propose le bon morceau cette fois-ci tout de suite. Frame Shifted, voilà, c'est ça. Frame Shifted par Robert Butchinsky. Out on the harbor, watching the planes trail away. Wondering how you ever arrived here. What did you think? Where have you been? And what price have you paid? Walking in a world of wasted whims, just like the setting sun, the downfall has begun. You see how frame-shifted you have become. You see how frame-shifted you have become. Bad influences, poor choices, and missed victories. You never really notice until too late. From the streets of the glade down to the northern liberties. If only you could start over with a clean slate, just like the setting sun, the downfall has begun. You see how frame shifted you have become. You see how frame shifted you have become. You want to break away and become someone else. What's life without mistakes? You're only human, so forgive yourself. To find a way to life without mistakes. Only you decide what comes next, and you see how frame-shifted you had become. You finally see how frame-shifted you had become. C'est Robert Buczynski avec le morceau Frame Shifted, extrait d'un album intitulé The Breakdown Lane. Avant de poursuivre en musique, comme vous le savez très certainement si vous nous êtes fidèles, eh bien, depuis quelques mois, nous sommes impliqués, nous allons faire un tour chaque mois dans le monde de la bande dessinée, et je vous fais bien mes critiques de certaines bandes dessinées que j'ai l'occasion de découvrir. Mais pour l'heure, on va aussi rester dans le thème de la bande dessinée, mais c'est pas une... Je vais vous parler d'un concours de bande dessinée, un concours organisé sur le thème du changement climatique. Ce concours est organisé par la plateforme numérique de publication de manga et bande dessinée indépendante Manga Draft, ainsi que par la société japonaise Celsius, qui produit le logiciel graphique Clip Studio Painting. Ce concours est ouvert à tous, amateurs comme professionnels. Et si vous êtes intéressé à participer au concours, eh bien vous avez 2 mois à partir du 5 août. Donc je vous en avais déjà parlé au cours de l'émission précédente, je vous le rappelle aujourd'hui. Donc il vous reste en gros jusqu'au 5 octobre pour soumettre votre histoire, qui doit faire entre 8 et 16 pages. Il y aura 3 gagnants qui seront déterminés par les votes du public et par un jury professionnel. Et il y aura notamment des prix à gagner comme 500 euros. Un logiciel graphique Clip Studio Paint EX, une tablette Intuos Pro. Et d'autres prix. Pour tous les renseignements, vous pouvez aller sur la page concours de Manga Draft. L'adresse internet, c'est go.mangadraft.com/c2019. Donc pour concours 2019, go.mangadraft.com/c2019. Je pense qu'on a été complet à ce sujet. On va donc poursuivre en musique avec le groupe The Bagatelles, un morceau qui s'appelle 2323, si on veut être tout à fait correct. Et puis après, ce sera Juan Rey et le morceau intitulé Sell Our Soul et sous-titré Wake Up a Dream. You and me. Voilà, je vous rappelle son nom, c'était Juan Rey, un morceau intitulé Cellar Soul. Avant de retrouver notre album Powerplay d'ici quelques minutes, 3 minutes exactement, 3 minutes 30, la programmation de la Culture Fabrique, si vous le voulez bien, eh bien, le samedi prochain, le 14 septembre, ce sera la nuit de la culture. Le Vibe Release Party se tiendra le vendredi 20 septembre, c'est à 20h, et aussi le 20 septembre, vous aurez le Reitlach Open Stage, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, ça se passera donc à la Culture Fabrique vendredi 20 septembre. Le 25, on vous conseille grandement d'aller voir le groupe polonais Riverside, ça se passera à 20h, et puis le samedi 21, This Is Forevermore, ce sera aussi à 20h, voilà, pour la Culture Fabrique. Vous allez sur leur site internet pour plus de renseignements, pour acheter vos tickets et pour tout ce qu'on peut imaginer concernant la Culture Fabrique, www.culturefabrique.lu. On continue en musique avec Jardier, je pense que c'est la première fois qu'on l'écoute, en tout cas c'est la première fois qu'on écoute un morceau de cette EP 5 titres qui n'a même pas de nom, il s'appelle donc Jardier aussi. Et on écoute un morceau donc intitulé Tension. Après cela, retour sur le powerplay de David Hurl. I feel the tension in the air. You're being locked inside your house. Your dominoes without a pad. You're crying to your house of cards. You're such a sweet little babe, but I don't think your prince will come. So tell your papa, tell your mama, tell your sisters and your brothers, you're coming with me, you're coming with me, yeah. I don't need a reason, no, situations round the week. Cross my heart and hope to die. This won't be the end of mine. You spin your threads, I try to speak. The situation's rather bleak. You rise above and startle me with a notion of leaving. Need a cause. You're more into flying airplanes. Me, I like the buzz. So cut the pretense and save yourself from the battered skin and restlessness. Oh, 'cause I used to know you. Spin your threads, I try to speak. The situation's rather weak. Cross my heart and hope to die. This won't be the end of mine. You spin your threads, I try to speak. The situation's rather bleak. You rise above and startle me with a notion of leaving. In your threads, I try to speak. The situation's rather weak. You rise above and startle me. This won't be a little kiss upon the cheek. The situation's rather weak. You rise above and startle me with a notion of leaving. Voilà, Jardier avec le morceau Tension, 17h45 minutes. Eh bien, on est pile poil à la moitié de l'émission, on est pile poil dans les temps, c'est donc tout à fait parfait. Il est l'heure donc de retourner sur notre album Powerplay. Je vous rappelle le titre de cet album, Garden of Edendale, et l'artiste c'est David Hurle. Cet album Garden of Edendale, eh bien, il a commencé comme une passion, un projet rempli de passion, et ça a pris à David 7 ans pour le terminer. Pardon. David a commencé, eh bien, ce projet de rien du tout, de zéro. Il a commencé à écrire les chansons, à rassembler les musiciens, à enregistrer, puis à composer et à rassembler autour de lui une grande équipe créative. Certaines des chansons, comme le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, Play It Like The Records ou Always, que David a enregistré, eh bien, très tôt dans cette année de création et de création de cet album, eh bien, elles étaient déjà prêtes et donc il n'a pas dû les retravailler, mais il y en a d'autres, eh bien, qu'il a dû retravailler en cours de route au cours de ces années. La ville de Los Angeles se trouve au cœur de l'album, parfois eh bien, directement, notamment dans les morceaux I Have a Crush ou Glendale, qui nous emmènent eh bien, directement dans les rues de la ville. À d'autres moments, eh bien, on retrouve Los Angeles simplement à travers l'expérience, par exemple, de grandir, de passer d'adolescent à un homme, et dans les rues justement de Los Angeles. David Hurle, eh bien, il aime à dire qu'il est un artiste qui éclot tardivement. Et il dit, c'est notamment, comme on a expliqué tout à l'heure, qu'il a dû reprendre la direction du groupe, du label que son papa avait fondé pendant quelques dizaines d'années, avant eh bien, de pouvoir de nouveau se consacrer à la musique. Il dit qu'il y a des avantages à sortir son premier album eh bien, à un certain âge, voire à un âge certain, puisque... Il avait pas loin de 27, il devait avoir 51 ans, je pense, ou 51 ans quand il a sorti cet album. Eh bien, il dit qu'il a plus d'expérience de la vie pour écrire qu'il n'en avait quand il avait 20 ans ou 30 ans. Quand il était plus jeune, eh bien, il voulait avoir un son qui ressemblait à ses héros. Maintenant, il a son son qui est propre, son son propre, eh bien... C'est de la musique orientée guitare, évidemment, du rock commercial, mais avec un peu, voire beaucoup de classe. C'est un album qui conviendra parfaitement eh bien, aux fans d'artistes comme Jackson Browne, Peter Case, Tom Petty ou encore Mark Knopfler. Soit dit en passant, Mark Knopfler qui avait signé un très très bon concert à la Rocale il y a quelques semaines de cela. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois et c'était peut-être son meilleur show. Bon, il est plus tout jeune, mais il assurait quand même. Hein. Ça nous écarte du sujet, qui est cet album Garden of Edendale de David Earl. Bien, je vous propose d'en écouter un second extrait, ça s'appelle Do You Know Surrender, et c'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. So high that to fall would be to die high. In the race, are you number one? From something, are you on the run? Surrender. Well, I do. Have you gotten what you prized? Followed by emptiness inside. Do you crave someone's esteem? Have you lost it in a nightmare dream? Do you know surrender? Will I do? Truth of the Pink Dust, and our favorite show in Europe for finding the best new artists. Don't know why. Pierre Girard. Ira. Don't know why. You can't help me. Don't know why. I keep fighting, but I know. Dans nos oreilles, Michael Tyree, I Don't Know Why. Avant de poursuivre en musique avec une autre nouveauté, un groupe que l'on n'a encore jamais écouté, je tiens à vous rappeler que cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures, entre 17h et 18h30, sur cette même fréquence, sur ce même signal audio, sur ce même site internet. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet de Planet Indie, www.ilovemusic.ga. Vous retrouverez aussi le podcast de cette émission pour pouvoir la réécouter et bien au moment qui vous convient le mieux. On va aussi passer en revue en vitesse, je dis en vitesse parce que c'est encore quelque peu le mode vacances, la programmation de la Rocale pour les semaines qui viennent. Et bien la reprise est annoncée pour le 21 septembre avec la venue de Catherine Ringer qui chante et bien l'Erita Mitsuko, puisqu'elle faisait partie de ce groupe mythique, peut-on dire, de la scène musicale française. Ça se passe donc le 21 septembre, tout comme le Grand Club Open Mic. Ça se passera quant à lui, événement qui se passera quant à lui, au Rocal Café. C'est toujours le 21 septembre. Le 27, T The Boss. Le 29, c'est le Rock for Kids en luxembourgeois. Et vous l'avez aussi en version française. C'est probablement à deux horaires différents, mais je n'ai pas le détail sur ma petite fiche. Le 3 octobre, c'est Alex Vizorek. Et puis on arrive tout de suite au 5 octobre avec la venue de M dans la salle principale et des Rasmus qui reviennent aussi à la Rocale. Ce sera au club. 5 octobre, c'est aussi la date de notre prochaine émission, donc notez-la dans vos agendas. 5 octobre, ce sera le numéro 413 de Planet Indie. Je vous ai parlé d'un groupe qu'on n'avait encore jamais écouté dans cette émission, et bien il s'appelle Blisses Be. On les écoute avec un titre, ma foi, ils ne se sont pas très foulés pour le titre du morceau, ça s'appelle Yé Yé. Et puis après cela, on écoutera les Pink Dust et la plage titulaire de leur précédent album, Night Vices. We'll be right back.

Voilà, c'était la plage titulaire de l'album éponyme des Pink Dust avec le morceau intitulé Night Vices. 18h06, passons à notre capsule bande dessinée si vous le voulez bien, avec un album qui nous emmène dans le monde du Bitcoin, des crypto-monnaies, un album qui s'intitule Crypto-monnaie, le futur de l'argent. Le résumé de l'histoire, enfin, est le suivant. C'est l'histoire de Josh, un ancien footballeur professionnel vedette, reconverti comme conseiller financier dans une agence bancaire, mais Josh se refuse à faire taire ses scrupules pour vendre à ses clients des produits financiers dont ils n'ont pas besoin. Arrive donc ce qui devait arriver, il perd son emploi car la nouvelle direction ne veut plus d'état d'âme parmi le personnel. Elle veut du chiffre, seulement du chiffre. Josh se rend alors à la présentation de lancement d'une nouvelle crypto-monnaie, le NecoCoin. Emballé tant par le projet que par la personnalité et le charme de la CEO Kristina Orsova, il décide de rejoindre l'aventure. Il rencontre aussi Solomon Chang, un journaliste spécialisé dans ce domaine et beaucoup plus sceptique que lui quant au potentiel de cette nouvelle technologie et de sa devise associée. Ayant investi lui-même ses propres économies dans le projet et bénéficiant de la plus complète confiance de sa famille et de ses amis, il les convainc de profiter aussi de l'aubaine que représente la naissance de ce nouveau Bitcoin amélioré et des gains susceptibles d'en découler. Alors qu'il apprend que son père est gravement malade et nécessite des soins coûteux, Josh attend impatiemment le lancement de cette nouvelle chaîne de blocs ou blockchain, Neko, afin de pouvoir négocier ses tokens et empocher ses gains. Mais évidemment, les choses ne vont pas se dérouler exactement comme prévu. Mon appréciation, eh bien, c'est que ce livre permet d'approcher le phénomène des crypto-monnaies, mais uniquement sur base de leur côté financier. Je trouve qu'il aurait pu être intéressant de développer quelque peu les aspects techniques et juridiques de ces contrats dans un souci de vulgarisation un peu plus large. Pour les lecteurs non versés dans le sujet, eh bien, les éléments permettant d'apprécier le potentiel et les implications de cette nouvelle technologie, ainsi que les enjeux financiers qui y sont attachés, restent flous. Le parti pris des auteurs est on ne peut plus clair. Les crypto-devises ne sont qu'une arnaque fumeuse, une pyramide de Ponzi et les initiateurs des escrocs à mettre dans le même sac que la mafia, dont certaines pratiques sont allègrement mises en avant ici. Pour faire fructifier son argent, rien de tel que les valeurs sûres et tangibles, les valeurs chères à Warren Buffett, qui apparaît d'ailleurs sur la première planche de l'album. Finalement, le scénario tient la route et le style de dessin emprunte certaines techniques cinématographiques. Minimaliste par moment, notamment pour certains arrière-plans ou certains personnages secondaires, il n'en sert pas moins efficacement la trame de l'histoire. En conclusion, seul l'avenir permettra d'apprécier à sa juste valeur l'avancée technologique ou pas que représentent les blockchains. Les auteurs n'y croient pas et c'est leur droit. Il est certain ou à tout le moins probable qu'il n'y aura pas suffisamment de place pour tout le monde, mais de là y voir systématiquement une arnaque planifiée, le pas me semble un peu grand. Il s'agit d'un bon thriller financier, un agréable polar technologique, un peu caricatural et carrément manichéen. Je vous rappelle le titre de cette bande dessinée, Crypto-monnaie, le futur de l'argent. C'est sorti au Lombard, aux éditions du Lombard, par Morissette Fan et Rouleau. Et vous retrouverez plus d'informations, enfin, je vous mettrai la page de couverture de cet album dans notre groupe Facebook aussi. Pour l'heure, eh bien, on poursuit en musique avec Maya Wynn et Fearless Girl, et puis après ce sera Deep Dark River et The Hunter. I'm so tired of feeling like I can't go out alone. In this world I live in, I'm not safe in my own home. With every breath I take, I'm not gonna let go. May the cause as our voices run. Arrivé à la fin du temps qui nous est accordé, donc on va devoir couper un petit peu ce très beau morceau de Deep Dark River, un morceau intitulé The Hunter. Et je vous promets, on les retrouvera au cours d'une prochaine émission. Ils nous ont envoyé pas mal de musique et de morceaux, donc on aura l'occasion de les retrouver. On va retourner sur notre album Powerplay pour la troisième et dernière fois aujourd'hui, l'album Garden of Edendale de David Hurle. Je vous ai dit pratiquement tout ce que j'avais trouvé comme information sur lui. Quand on lit les commentaires, eh bien, il y a deux morceaux notamment qui sortent du lot pour les commentaires. C'est notamment la plage d'ouverture qui s'appelle Finding Natalie. C'est un morceau de 6 minutes. C'est une ode au premier amour de David Hurle. Et puis il y a aussi le morceau Women Make the World Go Round. C'est-à-dire les femmes font tourner le monde, qui est particulièrement d'actualité avec les événements que l'on connaît en ce moment. C'est plutôt la tendance, mais c'est un morceau qu'il avait écrit bien avant tout cela. Hein. Comme je vous l'ai dit, il a mis plus de 7 ans à écrire son morceau. David est aussi assez ouvert pour parler des problèmes d'alcoolisme qu'il y a dans sa famille et sa propre guérison des troubles obsessionnels compulsifs. Le morceau Tell Your Story est basé sur l'idée que le plus beau cadeau qu'on peut faire aux autres, c'est de raconter nos propres histoires. Voilà, je vous propose d'écouter. Je vous ai mis une vidéo sur le groupe Facebook, une vidéo extraite de cet album, un morceau qu'on n'a pas écouté. Vous irez voir. Et je vous ai mis les infos concernant la bande dessinée aussi. Et nous, on va écouter le morceau, la plage numéro 2 de son album. Le morceau s'appelle I Have a Crush. C'est David Hurle, c'est notre Powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Powerplay. I have a crush on this here city. Another perfect LA summer, another day so pretty. There's an awful lot of beauty and a whole lot of gritty, some seen and sometimes hidden in this here city. Here we go. Saddle up in your jeans and leather. Wrap your arms around me now, we're gonna ride together. Today we'll see mountains, the desert and the sea. So hold on tight, ready, set, go on a 1, 2, 3, yeah! Ready, set, go on a 1, 2, 3, I got a few places I want you to see. My best gonna be your guide through Los Angeles. We're gonna ride, ride, ride. We'll start with Edendale, Glendale, Palmdale, Signal Hill, Echo Park, Highland Park, Griffith Park, Bunker Hill, Sun Valley, Simi Valley, Green Valley, Westlake, Vernon, Herman, Sherman, Oaks, and Silver Lake, Covina, West Covina, Gardena, Temple City, Love, Puente, Altadena, Pasadena, Lakewood, Linwood, Brentwood, Inglewood, Artesia, Cerritos, Hawaiian Gardens, Hollywood, Topanga, Latuna, Alhambra, Sylmar, Diamond Bar, Azusa, Tarzana, Chinatown, Koreatown, Historic Filipino Town, Eagle Rock, Little Rock, they all rock, Travel Town Down, San Dimas, La Mirada, Hawthorne, Watts, Los Feliz, and La Cañada, Northville, Southgate, Westwood, East L.A., Farleta, Lomita, Santa Monica Bay, Whittier, Bellflower, Bell Gardens, and Bell, San Marino, San Pedro, and San Gabriel. Here I grew up, I think I'm gonna stay. I have a crush on L.A. I think of my dad, he bought a train fare to a new life, a story not rare. City vast, wonders abound. What you're looking for, I bet can be found. And you know, we ain't seen nothing yet. Go! Friends, you're too wise. l'instant c'est Thrift Bakery, un morceau intitulé Knucklehead Central. Je vous parle encore en deux minutes de la programmation de l'abbaye de Neumünster. Et bien jusqu'à demain, il y a l'exposition Particle, et jusqu'au 27 septembre, l'exposition La Couleur du Jazz. Et ce soir, c'est la troisième et dernière journée du festival de danse Aerowaves. À 19h, ce sera le spectacle Homo Furens, et à 20h35, What Does Not Belong to Us de la compagnie SB. On va se quitter avec un dernier morceau, les Fratelli Stellari featuring le DJ Nemesis avec Campo Camelo. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous aussi, que vous avez apprécié la programmation musicale. Cette émission est rediffusée demain entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Le podcast sera disponible sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook dans le groupe Planet Indie. Et puis la prochaine émission, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera le 5 octobre à 17h sur cette même fréquence. Passez une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, un bon week-end, de bonnes journées, d'un bon mois jusqu'à la prochaine émission. Et on se retrouve à très bientôt. Bonne soirée. Et on se quitte avec les Fratelli Stellari, donc avec Campo Camelo. Così lontano dalla cacciara, mi sono avventurato in un'impresa assai estesa. Tanto che temevo di non tornare. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa Camelo. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa Camelo. Campa Camelo, chi la di no esce? Per scoprire il mistero di Giza. Nelle piramidi sono entrato dopo che il cammello avevo parcheggiato. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa Camelo. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa Camelo. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa, campa. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa Camelo, chi la di no esce? Campa Camelo. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa Camelo. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa, campa. Campa Camelo, chi la di no esce? Passando per stanze segrete, nella sfinge ho sconfinato. E sotto ad essa finalmente l'ho trovato. Eccolo, anche se stretto, stagionato. Questo è il nascondiglio del dio alato. Elion, l'alieno pomatato che i nostri antenati ha creato. Campa Camelo, chi la di no esce? Campa Camelo. Campa Camelo, chi la di no esce?